10-17. Activation orale, le temps qui passe. Il y a que... Répondez selon l'exemple. Vous voyez... 1. 50 ans. Vous entendez... La grand-tante Amélie est veuve. Et alors vous répondez... Oui, il y a 50 ans qu'elle est veuve. Bon, allons-y. 2. Les vélos habitent à Paris. Oui, il y a 25 ans qu'ils habitent à Paris. Ah bon? 3. Monsieur Bello est chez Renault? Oui, il y a 15 ans qu'il est chez Renault. Ah, je ne sais pas. 4. Ton oncle est veuf? Oui, il y a 25 ans qu'il est veuf. Oh là. 5. Mireille fait du karaté maintenant? Oui, il y a un an qu'elle fait du karaté. Ah, je ne savais pas. 6. Ta mère travaille au ministère? Oui, il y a 2 ans qu'elle travaille au ministère. 7. Il pleut? Oui, il y a 3 jours qu'il pleut. Oh là là.